L'élégance de la générosité, ceci est un enregistrement privé. Pourquoi est-ce que la générosité sera-t-elle si importante dans les années à venir? D'abord, qu'est-ce que la générosité? La générosité recoupe l'intelligence d'une personne à se mettre en action pour créer dans un état harmonieux une valeur de vie totalement constructive. Lorsque vous rencontrez une personne et que vous n'êtes pas capable de générosité, cela indique bien souvent que vous n'avez pas la présence à l'autre et que vous ne savez pas ce que vous avez à faire pour créer dans l'autre de l'harmonie. L'harmonie qui est générée dans l'élégance de la générosité repose sur un constat indéniable que la volonté de créer dans la matière de l'intelligence ne doit jamais passer par le calcul. Il faut être généreux de sa personne pour comprendre qu'est-ce que la générosité. La générosité provient de la présence de l'esprit, de la vibration de créer dans la matière de la liberté. Lorsque l'homme n'est pas libre, il ne peut pas comprendre non plus qu'est-ce que la générosité. Je vous donne un exemple. Supposons que vous avez à vivre une réalité et que l'autre doit se mettre en vibration par rapport à ce qu'il doit faire pour vous. Lorsque vous lui poserez la question et que vous lui demanderez un service, cet être se mettra en vibration automatiquement parce qu'il pourra saisir le lien qui unit votre conscience à de l'intelligence. Ce n'est pas parce qu'une personne peut lire ce que l'autre doit faire, c'est que la vibration de l'échange commence tout simplement dans le regard qu'une personne doit avoir sur la vie. C'est-à-dire que si vous êtes enclin à être généreux, cela provient de votre capacité à voir ce que vous avez à faire pour la matière et pour la vie des hommes. L'alliance qui se crée en vous avec la générosité est ce qui vous permettra d'aller vers l'autre sans même vous questionner. L'élégance de la générosité, ce n'est pas un calcul, c'est une vibration. Et la vibration dans la générosité est toujours la suivante, de générer de l'harmonie et de la liberté pour l'autre. Il arrive parfois que des personnes sont généreuses sans même le savoir parce qu'ils n'ont pas connecté avec l'émergence en eux d'une intelligence qui ne se définit pas selon des valeurs morales ou des valeurs religieuses. L'élégance de la générosité repose sur la capacité d'une personne à émettre dans la matière de la beauté. Et comment peut-on émettre dans la matière de la beauté? Mais il faut savoir regarder au-delà de ce que l'on est. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours retourner le regard sur soi lorsqu'on est dans la capacité de générer dans la matière de l'intelligence. L'intelligence provient toujours d'une beauté qui n'est pas calculable puisqu'il s'agit bel et bien de servir dans la matière le plaisir de nouer des liens d'harmonie avec l'autre. La proximité de l'intelligence dans la générosité est aussi un segment de l'amour que l'homme a pour l'homme. Il est parfois facile de voir qu'il y a des personnes qui ont le cœur sur la main, mais il faut aussi être généreux dans la capacité de créer chez l'autre de la liberté. Donc, incidemment, une personne qui est généreuse ne peut pas se dire une personne au service des autres. La personne qui vit la générosité n'est pas une personne au service des autres, mais plutôt une personne qui répond à la vibration de créer dans la matière de l'harmonie. Vous pouvez vivre bien souvent des expériences difficiles et la souffrance vécue ne peut des fois qu'être réglée par la présence de quelqu'un qui se mettra en vibration au niveau de la générosité envers votre personne. Il y a des programmations dans la matière qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres parce que les âmes qui ont évolué vers la conscience supramentale seront forcés eux-mêmes à vivre énormément de compression. Est-ce que la générosité des êtres qui les entourent peut leur permettre d'oublier la profondeur de ce qu'implique être une personne qui est initiée dans la conscience fondamentale? C'est pour cela d'ailleurs que l'élégance de la générosité se révèle un atout pour l'homme conscient, puisqu'elle doit permettre aussi chez les êtres qui n'ont pas nécessairement à être conscients de se mettre en vibration par rapport à leur propre capacité d'être généreux envers l'homme. Tout segment de la générosité revient à dire ceci, c'est que lorsqu'on est généreux, on ne le fait pas pour soi-même, on le fait simplement parce qu'il est intelligent de le faire. Et est-ce que les individus se questionnent suffisamment sur leur générosité? La réponse est non, car ils sont trop centrés sur eux-mêmes et ils doivent être parfois surpris par les demandes de quelqu'un ou encore la souffrance de quelqu'un pour être mis en contact avec leur propre générosité. La générosité provient essentiellement de la dimension d'une personne à pouvoir agir dans la matière avec volonté et intelligence. Pour être dans une générosité absolue, c'est le segment indéniable de l'amour qui doit augmenter la conscience de l'homme. Donc, vous pouvez étudier tous les événements à venir de la Terre et vous apercevoir que la direction des gouvernements vers en Amérique du Nord, qu'elle soit populiste ou non, n'a pas pour incidence à créer dans l'homme de la générosité. Elle polarise beaucoup plutôt les gens vers des segments idéologiques qui sont le populisme ou encore de croire que les gouvernements ont le cœur sur la main. Les gouvernements n'ont pas la capacité de générer dans la matière de générosité, car ils agissent souvent dans le calcul de ce qu'ils doivent faire pour nourrir l'économie et nourrir aussi un équilibre quelconque dans la matière, soit que présentement la consommation ne doit pas être freinée ou arrêtée parce qu'elle génère un certain roulement dans l'économie. Donc, toute la folie qui est liée à la générosité de consommation sert simplement à éloigner les individus d'une réalité vibratoire, soit que l'élégance de la générosité provient du fait que le regard de l'individu vers l'autre est tourné vers la dimension, non pas d'équilibrer la conscience de l'autre, mais de lui permettre un moment de repos. Soit qu'il y a toujours des souffrances qui sont vécues dans la matière qui nécessitent parfois l'intervention d'une tierce personne dans sa générosité pour changer ou élever la vibration d'une personne. Il arrive parfois qu'une personne est appelée à être généreuse à l'égard de vous parce qu'elle a dans sa conscience la capacité de vous égayer dans votre vibration à votre vie. Voici un exemple. Lorsque je suis allé prendre un café ce matin, je n'avais pas les sommes d'argent nécessaires pour payer le café car j'avais oublié mon argent à la maison. C'est alors que j'identifie un jeune homme d'Amérique latine et je lui demande simplement, j'ai oublié mon argent à la maison, est-ce qu'il serait possible d'avoir un café? Je n'ai même pas terminé mes phrases que l'individu dans sa générosité se manifeste déjà. Il me dit simplement, il n'y a pas de problème et il est très content de me servir. Donc voilà un exemple de la générosité. Je lui serre la main et je lui dis merci et nous nous souhaitons tous les deux un nouvel an. Vous avez donc dans cette dimension d'une expérience qui génère chez l'autre de la générosité la capacité de mettre en éveil le mental de l'autre à de la beauté. Et lorsque l'homme conscient qui est dans la conscience fondamentale, est appelé à être initié à la générosité et à la beauté, il ne peut pas passer à côté de celle des hommes qui doivent se générer pour lui créer dans la matière un repos. Donc, si cet individu n'est pas capable de se mettre en gestion face à la beauté qu'il doit dégager à mon égard, dans un geste sans réciproque, je dois retourner à la maison pour chercher de l'argent et me mettre à nouveau en vibration pour me générer et retourner prendre mon café. Donc, quelle est l'élégance de la générosité? L'élégance de la générosité est ce qui permet à l'homme de se reposer. Car vous ne savez jamais qui doit un jour se manifester à votre égard pour égayer votre vie. Et c'est cela la beauté de la générosité, c'est qu'elle n'a pas de nom, elle n'a pas de visage, elle est simplement une vibration qui doit être interpellée dans l'homme pour qu'il se manifeste. Il y a donc dans la matière des segments de vie qui sont très incompris parce que l'homme ne comprend pas tout ce qui se passe dans sa vie. Lorsque la pièce de théâtre est mise en action et que vous êtes neutre par rapport à la vie, bien que vous savez que vous vivez dans la déception de ne pas avoir d'argent dans votre poche, l'impossibilité de vous mettre en vibration, il y a quelqu'un qui doit se mettre en vibration parfois pour que cela se génère chez vous, une façon d'être. L'état vibratoire de l'autre est une dimension qu'on ne peut pas nier dans l'évolution de la conscience supramentale parce qu'il y a beaucoup d'individus qui ne savent pas que la générosité provient essentiellement de l'amour que l'homme a pour l'homme. Bien que les valeurs spirituelles aient, à un moment donné, couronné l'amour dans un segment d'amour mutuel ou de générosité mutuelle, cela n'est pas une générosité réelle. Car la générosité, dans toute son élégance, provient de la capacité d'un être à se mettre en vibration pour créer de la beauté. Aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on crée nécessairement de la beauté dans la relation qu'on a avec l'autre. Il y a beaucoup de dépendance affective dans le lien de l'amour, et c'est pour cela que l'élégance de la générosité n'appartient pas à une valeur spirituelle, mais appartient à la valeur froide qui émet dans la matière, sur le tas, une vibration de beauté. Pour être dans la beauté, qu'est-ce qu'il faut? Il faut à l'individu la volonté de manifester de l'intelligence. Et si on n'est pas intelligent, si on ne peut pas reconnaître la vibration, c'est-à-dire que l'oubli de ne pas avoir d'argent dans ses poches pour s'acheter un café fait en sorte qu'on doit se générer dans son intelligence pour voir quelle est la situation. Et dans la reconnaissance de la situation, nous faisons appel nécessairement à la vibration de se mettre en action pour créer de l'ordre. Cet ordre est le suivant, soit que si nous ne sommes pas capables d'être conscients de ce que nous vivons, nous ne pouvons pas permettre non plus aux individus de se manifester dans leur générosité, car nous ne pouvons pas identifier pour soi-même la vibration qui doit nous habiter. Donc, la générosité ne vient pas nécessairement du fait qu'on est soi-même généreux. Elle peut venir du segment de l'intelligence à reconnaître comment les plans de la lumière agissent sur soi. Est-ce que la générosité appartient aussi au plan de la lumière? Non, car les plans de la lumière ont simplement comme exercice de créer des pièces de théâtre pour s'assurer que les vibrations dont vous devez vivre se vivent. Et ces vibrations viennent toujours lorsqu'on est surpris dans un événement. Être surpris dans un événement n'implique pas qu'on est déstabilisé. Cela implique simplement que lorsque vous avez à vivre une situation, cela n'est jamais agréable quand cette situation-là vous contraint à vivre aussi de la déception ou simplement à vivre une contrainte. Car la déception est un segment émotif, qui veut dire que le corps émotif vibre, alors que la contrainte vient du fait qu'on doit se régénérer pour se créer de l'intelligence autour de soi. Certes, ce segment amène l'homme à haïr les forces, car lorsque l'homme est coupé et restreint dans son intelligence et sa liberté, il est toujours en droit de se retourner, lui, vers l'invisible pour savoir qu'il y a une pièce de théâtre qui se joue. Et si vous ne savez pas qu'il y a une pièce de théâtre qui se joue, vous pouvez vous astraliser et ne pas voir que peut-être qu'il y a quelqu'un dans sa générosité qui se manifestera si vous êtes capable d'aller vers l'autre. Et aller vers l'autre ne veut pas dire que vous ne savez pas identifier vers qui vous devez vous tourner. Car dans le passage d'identifier la personne qui doit être dans un segment de générosité à votre égard, vous devez capter aussi la vibration de cet être. Par exemple, il y avait 5 personnes à l'endroit où je pouvais demander un café. Mais il y en avait une dont je reconnaissais d'abord la sensibilité qui me permettrait de ne pas essuyer un refus. Et c'est dans cette sensibilité-là que l'homme développera une grande générosité pour l'homme. Pourquoi? Parce que le segment de la générosité, dans son élégance, vous ordonnera, tel un ordre, de créer en vous de l'espace pour cette réception de l'amour de l'homme envers vous. C'est-à-dire que l'homme ne sait pas qu'il vous aime, mais vibratoirement, il sait qu'il vous aime, parce qu'il y a en lui l'obligation aussi de se mettre en vibration par rapport à sa propre générosité. Et ça fait plusieurs années que j'écris des livres et que je donne des conférences et que j'ai remarqué cette générosité chez certains êtres. Ils ont la capacité tout simplement de venir et identifier pour eux-mêmes que ce qu'ils ont besoin est aussi inclus dans la vibration de la genèse d'une conscience supramentale qui leur appartient. Voici une explication simple. C'est que l'homme qui ne reconnaît pas une vibration ne peut pas être généreux envers l'autre. Comment peut-on reconnaître la vibration? Il faut savoir que toute personne qui est initiée à la conscience supramentale souffrira énormément de sa condition avant de transcender les formes qui la poussent à se générer et à être libre dans sa liberté pour créer un verbe absolu d'intelligence. Il y a donc des souffrances qui sont manifestées dans l'intégration d'une vibration. Et il y a des individus qui ont à aller beaucoup plus loin dans leur générosité de reconnaître quel individu ou quelle personne, femme ou homme, puisse-t-elle être, de générer chez elle de la beauté. La beauté ne provient pas du fait qu'on manifeste dans la matière un verbe qui permet à l'individu de se créer de l'espace, car tout individu qui vient à la conscience supramentale est éveillé à la souffrance aussi qu'elle aura à vivre avant de nouer avec la beauté d'être libre. Et c'est pour cela que depuis plusieurs années, il y a dans la conscience supramentale une possibilité exponentielle pour l'homme. Ce faisant, une personne peut devenir consciente simplement lorsqu'elle a la capacité, dans sa souffrance, de voir qui est-ce dans la communauté de la conscience supramentale qui peut aussi lui apporter, dans la générosité de parole, de la liberté. Et c'est pour cela que si l'individu ne se met pas en contact avec sa propre générosité, il lui sera très difficile de pouvoir épurer dans sa conscience les mémoires qui l'unissent à de la pauvreté d'esprit. Quelle est cette pauvreté d'esprit? Certes, cette pauvreté d'esprit rejoint énormément la gratuité, car toute gratuité n'est pas réelle, puisque cela est une façon de prendre sans voir la générosité ou la vibration qui doit nous mettre en éveil. Incidemment, dans une société telle que nous la concevons présentement, où les forces astrales sont très fortes, il y a de plus en plus d'individus qui se retrouvent seuls dans la conscience supramentale à ne pas pouvoir se générer parce qu'on ne les reconnaît pas. Et ce n'est pas parce que l'homme a besoin de reconnaissance, mais c'est que dans la générosité, il y a Déjà, le segment de la reconnaissance inclut, parce qu'il faut savoir que l'homme qui évolue dans la conscience mentale et qui se développe une conscience continue vivra énormément de hauts et de bas. Les bas étant que l'astral voudra le garder hors de son segment intelligent de générosité. Elle lui dira « tu n'as pas l'argent » ou encore « tu ne sais pas que la gratuité, finalement, c'est une façon pour la société d'évoluer » parce que l'Internet étant un moyen de communication qui permet à chacun de s'instruire, l'homme est rendu à croire que la générosité de l'Internet le rendra intelligent. Et cela est faux, car je le répète, depuis le début que je suis dans la conscience supramentale, l'homme doit se générer aussi dans sa générosité pour qu'il soit capable lui-même d'intelligence supramentale. L'intelligence cosmique qui unit l'homme au segment du rayon de l'amour provient d'une harmonie qu'il peut générer dans la matière constamment. Et si l'homme ne peut pas générer dans la matière constamment de l'intelligence, il y a un manque à ce moment de générosité pour identifier dans sa matière ce qu'il doit faire pour aimer l'homme. L'élégance de la générosité est une dimension qui aura, dans les années à venir, besoin d'être élevée en vibration. Soit que s'il n'y a personne en société dans les années à venir qui ne peut pas expliquer ce qui se passe au niveau des événements, nous verrons très bien qu'il y a une absence de générosité dans l'homme parce que l'homme n'a pas ainsi la capacité de se manifester pour créer de l'ouverture chez les consciences sensibles qui seront amenées tôt ou tard à l'initiation solaire de leur conscience pour vibrer à la réalité que la Terre ne vivra pas l'apocalypse. La Terre vivra les bouleversements qu'elle doit vivre pour que l'homme puisse un jour s'harmoniser à la vie de la lumière sur la Terre. Quel est le rôle des plans de la lumière? Le rôle des plans de la lumière est de mettre dans un vase très communicant les consciences qui doivent s'unir pour élever la planète Terre en lumière de sa matière. Et si l'homme n'arrive pas à créer des alliances suffisantes, cela veut dire aussi qu'il s'agit d'un échec pour la lumière parce que le segment ou la dimension éthérique de l'amour n'est pas présente dans l'homme et c'est ce qui empêchera les forces de la lumière d'aller plus loin aussi dans leur développement. L'harmonie et l'élégance de la générosité sont tous les deux des éléments clés de la beauté dans l'homme. Et cette beauté, si elle ne génère pas suffisamment de froideur, il s'agira alors de parler encore et encore d'une fausse générosité. Car on ne dit pas à l'homme ce qu'il ne doit pas entendre et on n'est pas généreux envers quelqu'un qui n'a pas aucune capacité de reconnaissance à son égard. Qu'est-ce que la parole publique peut permettre dans la régénérescence de la générosité? La parole publique est nécessaire pour les forces de la lumière. Il y a un besoin absolu que des consciences soient mises en vibration par la parole qui ne se réfléchit pas. L'actualisation en 2020 de la parole est ce qui permettra, dans cette année qui vient, d'élever les hommes à la réalité que la Terre connaîtra de grands bouleversements. Et les bouleversements, ils sont déjà constatables du fait qu'ils sont intensifiés par leur degré de présence continue. Qu'il s'agisse de feux en Australie ou en Californie, ceux-ci sont d'autant plus intenses et ne serviront pas simplement les forces de la noirceur à créer des désordres, mais vont aussi servir la conscience de l'homme à se générer pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et ce qui se passe est important présentement car la conscience supramentale n'est pas une conscience de masse. Elle amènera dans les bouleversements un éclairement à ce qui se passe, et c'est ainsi que les individus pourront voir que s'il n'y a pas d'individus qui ont la capacité de parler pour générer sur la Terre de l'ordre, il n'y aura pas dans les gouvernements, dans les années à venir, d'ordre non plus. La vie de la conscience supramentale est assurée du fait que l'homme parlera tout le temps parce qu'il est généreux de sa conscience. Les gouvernements n'auront pas le choix de regarder ce que l'homme dit dans cette décennie à venir, puisqu'il y aura de plus en plus d'interfaces négatives qui enrôleront des conséquences très grandes chez le mental humain. Incidemment, toute élégance à la générosité dans la parole viendra du fait que l'homme ne se réfléchit pas et qu'il produira dans la matière de l'intelligence pour permettre aux individus de se situer. Donc, revenons simplement à la générosité et identifions clairement ce que cela veut dire d'un point de vue cosmique. La générosité est la première branche qui unit l'homme à l'arbre de son amour pour l'homme. Soit que si on n'est pas dans le corridor étroit de l'intelligence pour s'élever vers la beauté, de créer dans la matière de l'harmonie, on ne peut pas être généreux. Cosmiquement, les forces de la lumière connaissent-ils la générosité? Ils la connaissent car ils sont obligés de livrer de l'information aux individus parce que sinon, ils ne pourraient pas toujours comprimer ou compresser l'homme à des réalités négatives ou des événements qui le perturberaient sans cesse. Ils sont obligés de créer de la beauté dans la capacité de mettre en éveil d'autres consciences à l'égard de votre conscience. Et pourquoi parfois cela prend-il du temps? C'est parce qu'il aiguise entre-temps votre mental. Qu'est-ce que veut dire aiguiser votre mental? Il aiguise votre mental en vous permettant aucunement de pouvoir vous réfléchir. Car la réflexion est une faculté qui répond strictement à une volonté de philosophie de la vie et de penser qu'on peut se prendre au sérieux. Alors que la conscience supramentale incite l'homme à générer une ouverture d'esprit vers l'homme. Donc, si on aiguise votre mental, on l'aiguise foncièrement pour vous éliminer dans votre conscience des liens mémoriels qui vous unissent à de la réflexion. Or, lorsqu'un événement se produit, il y a toujours le vide, soit que dans la compression de vous enlever de l'argent ou de vous faire omettre une réalité, oblige alors le vide de saisir que l'élégance cosmique de la générosité en vous doit être la capacité de ne pas vous réfléchir. Et pour les forces de la lumière, que feront-ils dans les années à venir pour s'assurer que la nature même de l'homme soit de plus en plus ouverte à la réalité que la conscience supramentale doit un jour servir l'homme? Il y a une voyance qui s'élargit dans cette conscience supramentale pour l'homme qui ne vit plus l'aiguisement de son mental. Mais être aiguisé veut aussi dire qu'un jour, il y a des souffrances psychiques qui sont vécues parce que c'est cela qui engendre pour la lumière une fusion de l'homme avec sa lumière. Et cette réalité est possiblement la plus difficile à l'homme de vivre lorsqu'il n'y a pas suffisamment dans la matière de générosité envers les êtres. Et si vous avez à être généreux dans la conscience supramentale, sachez que vous le serez simplement par vibration et aussi par harmonie pour l'homme. Puisque dans cette générosité, vous apprenez aussi à vous reconnaître il se dégage aussi l'aiguisement de votre mental à ce que l'homme doit être pour être universel en intelligence et en amour. Toute froideur perçue par rapport à votre conscience au niveau de la générosité est ce qui vous amènera à être beaucoup plus près de vous-même dans les jours qui suivront. Pourquoi en est-il ainsi? C'est que la générosité, dans son élégance, fait que l'intelligence que vous avez pour vous-même à générer de la beauté est principalement liée à la fusion du double avec votre conscience, soit que vous n'êtes pas nécessairement généreux parce que vous le décidez en tant qu'ego, vous l'êtes parce que vous êtes généreux en tant qu'être, soit que il y a la prestance de la beauté du double de son énergie qui vous oblige en tant qu'ego à transmuter des craintes pour vous manifester. Et lorsque vous êtes généreux simplement, sans même être dans le besoin de créer de la beauté, cela veut dire que vous êtes une personne harmonieuse au départ. Et l'harmonie, c'est ceci, c'est que vous acceptez que les plans de la lumière décideront de votre vie. Vous l'acceptez totalement, car l'accepter totalement, c'est être à la disposition de sa conscience, à vibrer la réalité que les vies sur la Terre qui se vivent en 2020 ne répondent pas simplement à une lumière astrale qui génère dans la matière des libertés qui ne sont pas réelles. La lumière astrale fait en sorte que l'homme s'éloigne de la générosité et la liberté vécue devient ainsi une façon d'être qui ne peut générer de l'intelligence. Pour reconnaître la générosité et pour être dans son intelligence et son élégance, l'homme a besoin de renouer avec sa source. La source étant le verbe et aussi la vibration, de savoir que ce que vous direz n'a pas de valeur, mais qui aussi génère suffisamment de volonté pour que les hommes puissent se mettre en action. La générosité aura comme effet de ralentir l'astral un jour sur la Terre, puisque les individus qui créeront des alliances s'associeront par un besoin d'intelligence et aussi un besoin de reconnaissance. Cette reconnaissance, pourquoi n'est-elle pas facile? Elle n'est pas facile parce que l'homme n'a jamais appris à voir que tout ce qui vibre au niveau de la matière a besoin d'être élevé en conscience. Et pour élever quelque chose en conscience, l'homme doit se générer. Il doit se manifester et il doit dire clairement son positionnement, car sinon l'astral prendra séance et obligera ses volontés. La générosité issue de la parole crée de l'espace et augmente aussi la présence de l'individu à sa propre conscience. Tout ce qui ne permet pas à une personne de revenir dans son centre de gravité est simplement une réalité de vie qui appartient au monde astro. Et les mondes astraux n'ont aucune générosité pour l'homme. Les morts ne sont pas généreux envers l'homme. Ils sont simplement des vampires qui enlèvent à l'homme de la liberté. La prochaine décennie sera un test de volonté pour l'homme, soit est-ce qu'il pourra être dans la reconnaissance de ceux qui ont la capacité vibratoire d'émettre dans la matière de la générosité par la parole. Lorsqu'on écoute un enregistrement, il faut s'asseoir dans la vibration et se laisser aller dans la perspective que ce que l'on dira, on le sait aussi par vibration. Et quand vous êtes dans cette vibration, au lieu de vouloir comprendre, vous êtes dans la manifestation de l'harmonie qui doit couler dans vos veines pour créer dans votre mental de l'espace face à l'astral. La parole de l'homme est douce à la générosité car elle a l'élégance d'élever le mental à un autre statut de vie. Harmonieusement, on ne peut pas se dire généreux si on n'est pas libre. Et est-ce qu'on est libre des forces lorsqu'on parle? On est libre des forces parce que les forces doivent aussi entendre le discours de l'homme, c'est-à-dire que la sensibilité qui recoupe la générosité de l'homme vient de la vibration de l'amour qu'il a pour l'homme. Et si les forces de la lumière ne veulent pas entendre ce que l'homme a à dire, c'est qu'ils ne sont pas dans la conscience de l'évolution de l'homme pour l'homme. Ils sont dans la conscience de leur propre système et cela un jour leur fera payer un prix. Mais ils le savent déjà qu'ils ne peuvent pas faire ça et qu'ils ont à prendre position dans la liberté de renouer dans la conscience de l'homme la suffisance vibratoire qu'il peut être libre. Il arrive parfois que les contraintes de vie amènent l'homme à penser qu'il n'est pas libre parce que celles-ci sont difficiles lorsqu'on est dans la conscience supramentale, car tout initié qui vivra la restriction, la compression de son identité pour que celle-ci soit universelle et cosmique, verra qu'il y a beaucoup de souffrances qui sont vécues et que l'isolement a un temps de répit, puisqu'il faut que ce temps de répit permette à l'homme d'être intact dans son mental. Ainsi demain, nous ne pouvons pas dire que les forces de la lumière ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font, mais c'est aussi à l'homme de savoir qui il est, car la générosité qui doit l'habiter est nécessaire pour qu'elle puisse lui permettre à lui aussi un jour de parler avec les forces de lumière d'une façon totalement froide. En conclusion, la générosité est la première rencontre de l'homme avec sa beauté. Est-ce qu'elle est soufflée par le double, cette générosité? Le double oblige l'homme à reconnaître ceux qui sont autour de lui et à être un jour dans un acte de générosité. Mais cette générosité ne vient pas du double, elle vient de l'homme et de son amour pour l'homme. Bien que le double puisse créer des espaces pour permettre à l'homme de se manifester, il faut aussi que l'homme se fusionne avec celui-ci pour saisir tout ce que veut dire l'harmonie, la générosité, la beauté et la vibration de l'amour. Donc, en résumé, l'harmonie, c'est la volonté de créer chez l'autre de la liberté. La beauté, c'est la générosité d'élever dans le mental de l'homme de l'harmonie. Et sous un même toit, il y a cette vibration de l'amour pour l'homme qui est réunie, car le tremplin de l'homme vers sa lumière doit être cosmique et non spirituel ou religieux. Il sera donc très important pour l'homme d'identifier ce qui se passera sur la Terre dans les années à venir, puisque s'il n'est pas généreux envers lui-même dans la capacité de s'instruire de ce qui se passera sur la Terre, il se fera prendre au piège par les courants astro de la mémoire des races, parce que la haine grandira entre les races, et dans sa phase finale, l'homme aura à reconnaître aussi que ce ne sont pas tous les hommes qui seront capables de générosité, de reconnaissance, de beauté, d'harmonie et d'amour envers l'homme. Pour ainsi dire, la générosité viendra du fait que l'homme sera très près de sa lumière. Et comme sa lumière lui permettra d'identifier et d'authentifier sa vibration, il saura ainsi que l'intelligence qui l'unit à son verbe doit créer de l'harmonie. Lorsque je donne des conférences, lorsque j'écris des livres, je ne le fais pas pour moi-même, je le fais parce que vibratoirement, je suis mis en vibration avec la réalité des maîtres de l'intelligence. Et l'intelligence émise doit être harmonieuse, sans dire que celle-ci ne bouscule pas. L'harmonie va bousculer parce qu'elle oblige l'individu à s'harmoniser. Mais lorsque le verbe est communiqué d'une manière où il n'y a pas de réflexion, où l'auteur ne se prend pas au sérieux, on peut voir qu'il y a de l'harmonie dans cela, car on n'enlève pas à l'homme de sa beauté. On fait simplement parler, et cette reconnaissance que l'homme peut avoir envers l'autre, il sera obligé dans les années à venir à la manifester. Est-ce qu'un livre est beaucoup plus incitatif pour unir l'homme à sa propre générosité? Possiblement, car l'homme doit se manifester pour être dans l'harmonie d'une vibration qu'il doit aussi élever en lui par la lecture de ce qu'il fait. Il doit reconnaître sur le tas ce qu'il est, lui, devant la lecture. Et lorsqu'on écoute des enregistrements audio, la beauté de ces enregistrements-là, c'est simplement de calmer en soi l'angoisse si ce qui est dit est intelligent. Alors que dans un livre, lorsqu'on fait une lecture, on peut intégrer sa propre beauté en étant dans le segment d'une phrase qui nous met en vibration. L'élégance de la générosité aura ainsi comme finalité de permettre aux individus de se reconnaître. Et ce n'est pas vrai que tous les hommes dans les années à venir pourront générer publiquement de l'harmonie. Ils le pourront certes individuellement, mais de générer à grande échelle de l'harmonie, il faut à l'homme, dans sa conscience, la virtuosité d'avoir dépassé l'orgueil qu'il peut y avoir dans son mental. On ne peut pas créer de beauté dans la matière si on ne sait pas être généreux envers l'homme. Et être généreux envers l'homme ne veut pas dire qu'on lui offre des cadeaux. Cela veut simplement dire qu'on lui prête ses yeux pour voir ce qu'il ne voit pas. Dans la vibration d'un enregistrement, il y a cette sensibilité d'amener l'homme plus près de lui-même. Et le but final de la générosité sera toujours celle-ci, que l'homme, que l'individu soit plus près de lui-même et qu'il soit dans la mesure d'être centré dans sa beauté pour savoir qu'est-ce qui doit être mis en vibration chez lui pour qu'il se libère lui-même d'une absence de générosité ou d'une absence d'intelligence. L'astral est très puissant sur la Terre présentement, et c'est pour cela que le combat final entre les forces de la lumière et les forces de la noirceur créera du chaos pour permettre, dans la vibration de ceux qui sont dans la conscience supramentale, un avancée de leur conscience vers la possibilité de reconnaître que c'est très difficile d'être intelligent aujourd'hui. Est-ce qu'on est intelligent? On le devient intelligent par la nécessité de voir quelle doit être la générosité et la beauté qu'on doit générer en soi-même pour ne plus vivre les mêmes souffrances. Puisque la générosité doit permettre à l'homme de se rebeller contre le mensonge, l'homme doit aussi saisir qu'il doit éduquer les morts dans sa générosité pour que ceux-ci cessent leur intervention. La générosité, c'est la parole, c'est la vibration, c'est le degré d'harmonie qu'il y a dans l'homme qui, à tout instant, revisite sa conscience pour voir là où il doit se générer afin de créer dans la matière de la lumière. La lumière étant le partage d'une identité absolue de la conscience de l'homme, que l'homme est un être solaire et qu'il ne doit pas et jamais discréditer l'homme. L'homme peut reconnaître l'homme par le simple fait que dans l'homme, même s'il est conscient, il y a cette lumière qui peut être mise en vibration et c'est une unification de l'homme à sa source qui est mise en vibration dans l'homme à ce moment. Certes, votre générosité ne doit pas être calculée, mais elle doit tenir compte de la capacité que vous avez vous-même à créer de l'harmonie pour qu'un jour les forces de la lumière puissent habiter la Terre et savoir que la générosité qui doit se dégager sur Terre ne proviendra pas d'eux, mais proviendra de l'homme et de sa reconnaissance absolue qu'un homme doit être respecté et qu'il doit être aimé pour ce qu'il est du point de vue de sa conscience, soit qu'un homme qui amène dans la matière de la conscience ne le fait pas par pur plaisir, cela provient nécessairement parce qu'il a un mandat de créer dans la matière de la liberté par la parole ou par les écrits. Pour ainsi dire, la générosité occupera toute la place dans les années à venir, puisqu'elle est la plus haute vibration de l'énergie de l'amour que l'homme pourra amener dans la reconnaissance de l'homme sur la terre. Lorsque les défis seront grands, c'est à ce moment que nous verrons la générosité de l'homme pour l'homme. D'un point de vue strictement vibratoire, la générosité est ce qui doit amener l'homme à être plus présent à l'autre. Mais être présent à l'autre n'implique pas simplement que l'homme doit survivre à sa réalité. Il doit être plus grand que sa réalité et il doit être dans la capacité de générer avec l'autre de l'intelligence. C'est donc dans le partage des individus, de leur conscience et de leur vibration que la Terre s'élèvera en lumière. Et cosmiquement, lorsque la générosité amène dans l'homme le flux vibratoire de permettre l'autorité de chacun de s'exprimer, c'est à ce moment que les hommes se rencontrent réellement. Donc, il est important de ne jamais discréditer l'homme, mais d'avoir de la générosité envers lui. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il faut être dans la présence de l'actualité qui se vit sur Terre. Car en étant décalé, l'homme n'arrivera jamais à reconnaître qu'est-ce que la générosité, l'amour et le segment de l'intelligence qui entrecoupent ces deux-ci. Soit que l'intelligence est ce qui permet à la volonté de l'homme de se manifester et d'être généreux. C'est-à-dire qu'il regarde toujours qu'est-ce qu'il peut non pas faire pour l'autre, mais ce qu'il doit faire en vibration pour amener dans la matière et dans le cercle vibratoire de l'autre, son unicité à une conscience parfaite. Soit que l'homme ne peut pas se diriger vers l'homme et lui demander quelque chose. Lorsqu'on attend quelque chose de l'homme, on lui demande de se manifester. Alors que lorsqu'on dit à l'homme, nous sommes avec vous et que nous voulons créer dans la matière de la synergie, c'est-à-dire qu'on se fait simplement inviter l'autre à partager et à discourir de la vie afin que chacun puisse avoir un tremplin positif pour soi-même. C'est donc dire que l'homme n'arrache rien à l'homme et chacun grandit dans sa vibration. La générosité et son élégance viennent du fait que l'homme est capable de voir l'autre et il le voit dans sa sensibilité et non pas simplement par intelligence, mais il doit se connecter l'homme à sa propre sensibilité pour comprendre aussi comment l'autre vibre sa conscience. Et quand l'homme comprend comment une autre personne vibre sa conscience, il est plus sujet à la respecter, cette personne, parce qu'il respecte son rythme d'évolution, il respecte le degré d'intégration qu'elle doit faire et il respecte aussi ce qu'elle doit vivre pour ne pas être amenée dans un processus initiatique inutile. La générosité est toujours de reconnaître ce que l'on doit faire et jamais celle de dire que l'on fait ceci ou cela parce qu'on veut aider quelqu'un. Cela n'est pas réel. La puissance d'aider est une force spirituelle qui doit être abattue, si bien que l'homme, pour s'amener réellement à être généreux, il apprendra dans les années à venir qu'il lui revient à lui d'être dans son centre de gravité pour ensuite savoir ce qu'il doit faire. L'homme peut aussi être généreux de sa parole en autant que l'autre nous demande ce que l'on veut faire pour lui. S'il ne nous demande pas ce que l'on veut faire pour lui, nous nous invitons ainsi dans une fausse générosité sur le territoire de l'autre. Respecter l'homme à tous ses niveaux, voici ce que c'est. C'est de pouvoir le rencontrer sur ses bases à lui et non sur les bases que nous choisissons. Et lorsque l'homme se sent respecté dans ses bases qui sont à lui, il y a moins dans sa conscience d'entrées astraux qui pourraient par la suite l'éloigner de nous-mêmes. Vibratoirement, l'élégance de la générosité est un segment de sensibilité dans l'homme qui apparaît simplement quand l'homme est capable entièrement d'assumer son amour pour l'homme. C'est à ce temps qu'il n'a pas à revisiter sa conscience parce qu'il sait qu'il aime l'homme. Et lorsque l'homme sait qu'il aime l'homme, ce qui se produit souvent, c'est que sa parole est facile et que sa parole aussi permet de transmuter des craintes dans l'homme que lui-même ne voit pas, parce que la parole a cette capacité de générosité d'être vibratoire pour élever le mental de l'homme à une plus grande liberté individuelle en tout temps.